Vendredi 18 janvier 2013, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Bien content d'être là en ce début d'année pour continuer de nouvelles et nouvelles fois à parler bande dessinée. Et on en parlera à travers beaucoup de voix aujourd'hui, beaucoup d'idées, beaucoup de suggestions, beaucoup de regards. C'est un peu l'axe qu'on a choisi de donner à l'émission de cette semaine. Alors, il y aura notamment Anne-Marie Olivier qui sera avec nous pour nous partager ses idées, ses commentaires BD. Marco Duchesne également qui sera de passage pour les mêmes raisons. Et en fin d'émission, il y aura aussi Mathieu Place qui viendra faire un tour toujours autour de ses forêts dans la BD indépendante anglophone. Lui nous parlera cette semaine de Edward Gorey. Donc, regard sur quelques-uns des albums de cet auteur. Alors, côté chronique, ça ressemblera à ça. Et également, on aura le plaisir de discuter avec Jean-Sébastien Bérubé qui nous a offert au fil des 5 dernières années la série Radisson, le dernier tome qui est paru l'automne dernier, tome 4, donc Pirates de la baie et du son. Alors, on profitera de cette sortie, ben certes, pour porter un regard donc sur cet ultime tome de cette série, et également, mais pour porter un regard aussi sur la série en général et sur les prochains projets de Bérubé. Alors, ce sera tout à l'heure. Et sinon, petite mention aussi au passage, la semaine prochaine, on vous offrira une émission spéciale, un regard qu'on aura le plaisir de porter sur les albums qui nous ont marqués, qui nous ont frappés au fil de l'année 2012. Donc, quand je parlais au début de l'émission qu'on aurait beaucoup de suggestions pour vous cette semaine, on en aura encore plus la semaine prochaine puisque ce sera une émission 100% consacrée au coup de cœur. Au coup de cœur de qui? Ben, d'invités et de collaborateurs, des gens qui sont des passionnés, des amoureux de la bande dessinée qui seront avec nous pour justement partager tout ça et porter ses regards. Alors, ce sera à ne pas manquer, donc vendredi prochain. Et évidemment, ben, l'émission de cette semaine n'est pas à manquer aussi, vous le comprendrez bien. Dans l'actualité BD, deux petites notes au passage avant de partir en musique. Notamment, en fait, une grosse nouvelle dans le milieu de l'édition européen. Le directeur artistique du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a décidé de prendre un tournant dans sa carrière. Il va devenir le nouveau directeur éditorial de Casterman en charge de la bande dessinée. Alors, il sera donc directement rattaché à l'administrateur délégué de Casterman. Il y aura, évidemment, on l'imagine, une grosse influence dans le choix des titres qui seront proposés. Mouchard, qui avait rejoint le Festival d'Angoulême, lui, en 2003, d'abord comme conseiller, puis comme directeur artistique. Et il faut dire que c'est sous son impulsion, en fait, que Angoulême avait ouvert la voie à la musique, notamment grâce aux concerts de dessin, avait accueilli aussi des plus belles signatures de la scène française, Brigitte Fontaine, Arthur H, Arnaud et d'autres. Les activités et événements ont explosé également sous sa houlette. On parle d'une trentaine en 2003, là, c'est 300 actuellement sur 4 jours, donc c'est complètement fou. Beaucoup d'expositions, elle reste alors vraiment c'est sa contribution au Festival d'Angoulême. Et également, on sait que c'est d'abord et avant tout un littéraire là, qui a des études en lettres modernes. Alors, ce serait intéressant de voir quelle sera la nature de sa contribution, dans le fond, aux directions et à l'évolution de Casterman. Et sinon, petite note aussi, simplement pour dire que le prix Artemisia 2013 revient à Jeanne Puchol pour Sharon Boukadir aux éditions Tirésias, qui est un album au contenu politique qui relate le massacre des manifestants contre la guerre d'Algérie au métro de Charonne à Paris en 1962. Alors, on ferme ces parenthèses et on s'en va en musique avant de tomber dans les commentaires BD. L'album qu'on vous propose cette semaine, c'est celui de Nightluck, toujours disponible en téléchargement gratuit. Et on écoute un premier extrait, This is Mandatory. Et toujours à la vie en BD, on vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre via le site de socialisation Facebook, facebook.com/lavieenbd. Et maintenant, on a le plaisir d'être rejoint au bout du fil par Anne-Marie Olivier. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Bonne année. Merci beaucoup. Toi aussi. Et merci. Et on va poursuivre, évidemment, en jasant BD. Il faut dire que tu es en bonne position, d'ailleurs, pour nous en parler, puisque on va le mentionner, tu es libraire chez Phylactère, et donc beaucoup d'arrivages. Oui, beaucoup de lectures. Malgré qu'évidemment, la période de janvier, c'est toujours un peu plus mort, un peu plus calme. C'est l'occasion aussi de retourner peut-être vers des sorties qu'on avait échappées l'année dernière. Oui, c'est pourquoi j'ai choisi deux titres qui sont sortis en cours d'année, mais qui ont peut-être passé un peu plus inaperçus, mais qui sont de très bonnes lectures, effectivement. Alors, on commence avec un premier, Marcinelle 1956, c'est de Sergio Salma, chez Casterman. Oui, donc c'est une bande dessinée qui se passe à Marcinelle, qui est une ville de Belgique. Alors, c'est un fait réel qui est arrivé le 8 août 1956. On est dans une usine de charbon qui s'appelle le Bois du Casier. Et ce matin-là, il y aura un wagonnet qui est mal encagé, puis un malentendu entre le fond de la mine et la surface vont causer un incendie qui va coûter la vie à 262 hommes. Donc, c'est pas rien et c'est un fait qui est arrivé et qui a traumatisé la communauté de la Belgique et notamment la communauté italienne qui était en majorité les mineurs qui étaient en majorité italiens dans cette mine-là qui sont décédés. Donc ça a fait beaucoup de remous et on suit un personnage qui s'appelle Pietro Bellofior qui est un mineur italien. Et on va avec lui, on va retracer le parcours et les 7 mois précédant la catastrophe et la rencontre, en fait, qui va peut-être faire dévier le destin de ce Pietro Bellofior. Alors, on est vraiment dans la BD inspirée de faits réels, presque oui. Documentaire, mais le récit de Bellofior, est-ce que c'est un peu une fiction ajoutée à la réalité? C'est un personnage fictif qui est effectivement ajouté, mais qui, selon les dires des gens qui travaillaient à la mine, son destin peut ressembler un peu à certains mineurs qui sont arrivés. Donc, on a une trame qui est réelle, mais des personnages fictifs, mais quand même assez bien documentés. Donc, ce n'est pas du tout dérangeant et on suit très bien l'histoire. Et une histoire qui doit être assez émotive, là, je veux dire, avec un sujet comme ça, on peut pas en sortir. Là. Oui, mais ce n'est pas... ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que sans renier la catastrophe, c'est pas la catastrophe qui est le cœur du récit, mais vraiment le quotidien de la mine puis le destin de ces expatriés italiens, comme je le disais, qui sont en grande majorité. C'est un récit qui s'articule autour de la cohésion puis les valeurs que les immigrants italiens ont amenées avec eux, en fait, et comment le personnage de Pietro, qui tente de lutter contre le destin, en fait, va peut-être voir son destin lui échapper ou le sauver. En fait, là, vous allez lire la bande dessinée pour le savoir. Donc, c'est très intéressant. Puis tout au long du récit, on remarque aussi les nombreux malentendus qui sont dus au langage puis à la mauvaise interprétation. Et ces deux aspects-là qui sont très importants vont causer à la fois la catastrophe et un certain sauvetage. Donc, beaucoup d'éléments dans cette bande dessinée-là qui en font un récit que j'ai trouvé très complet. Un récit très complet, en noir et blanc, un peu sketchy aussi. Ça ajoute, je trouve, à l'ambiance carnet de notes, peut-être un peu... Oui, puis on voit bien le dessin, quand les scènes qui sont représentées dans les mines, toujours un peu salies aussi, des gros contrastes forts, noir-blanc, pas de valeur de gris. On voit aussi même peut-être une certaine, je vais en parler, de la confusion, donc une certaine confusion, mais on voit, parce que ce travail-là qui était harassant, qui était extrêmement pénible, on le retrouve bien dans le dessin, et quand on remonte à la surface, bon, ces gens-là ne voyaient pratiquement jamais le soleil, à part leur trop rare journée de congé. Donc, tout ça est représenté dans la bande dessinée, puis avec une clarté très, très, très, très bien. Alors ça, c'est Marcinelle 1956, c'est de Sergio Salma, c'est chez Casterman. Deuxième titre, Anne-Marie Olivier, on parle de La Ronde, un titre de Birgit Way chez Cambourakis. Voilà, tu l'as bien prononcé, j'étais pas sûre de bien le prononcer parce qu'elle est allemande, cette auteure. Alors, La Ronde, ça nous entraîne dans un grand mouvement de vie, dans la vie de 10 personnages qui vont être unis par une petite médaille qui passe de main en main. Et cette petite médaille va traverser le temps, les continents. On va amener l'histoire de l'Amérique jusqu'en Europe, en passant par l'Afrique. Et ce petit bijou, qui est en fait une médaille de baptême, va être 10 fois perdu et rendu, volé, vendu dans certaines parties de l'histoire. Et cette médaille, donc, va être le témoin muet de plusieurs joies, de drames, et où cette intimité-là va rejoindre quand même l'histoire du 20e siècle. Donc, une très grande fresque dans cette bande dessinée-là. Et vraiment, c'est l'objet qui est au centre de la narration. Les personnages, on passe de l'un à l'autre, on passe d'une histoire à l'autre, ou ça devient un peu tout entremêlé? C'est un espèce d'entrelacement, en fait, à chaque fois que la médaille passe d'une main à l'autre soit un mouvement du hasard ou soit par un mouvement du destin, là, c'est dur à dire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, malgré le peu de pages qui sont consacrées à ces 10 destins, 10 mm-hmm. personnages, réussit quand même à amener une densité puis une profondeur dans la psychologie de ces personnages, ce qui donne vraiment beaucoup de profondeur au récit. C'est très efficace aussi du côté narratif. Et puis, moi, ce que j'ai aimé, c'est que plusieurs thèmes qui sont abordés dans ces destins-là, ces différents destins, et la finale est assez intéressante aussi. Je vous garde le punch, mais la complexité notamment des rapports familiaux qui est beaucoup engagée dans cette histoire et dans un dessin qui est magnifique aussi, qui est un tantinet expressionniste, comme on pourrait dire, encore là en noir et blanc, pas beaucoup de valeur de gris, mais c'est un trait qui est extrêmement délicat, beaucoup de détails aussi, puis c'est fascinant de voir justement comment cette médaille-là va traverser les époques et l'histoire de manière magistrale. Donc vraiment un album à lire, à découvrir? Oui, oh oui, vraiment. Si on aime les récits à caractère historique et qu'on s'intéresse aux grands événements du 20e siècle, cette BD-là, elle est parfaite pour ça. Alors ça, c'est La Ronde de Birgit Way. C'est chez Cambourakis. Oui. Anne-Marie Olivier, merci beaucoup. Merci. Et nous, on se dit à très bientôt. Yes. Bonne Salut journée. Bien. Voilà, chronique et commentaires BD d'Anne-Marie Olivier. Et voilà donc autre extrait de la formation Nightlock qu'on a écouté, Destroyer, un album d'ailleurs album éponyme qui est disponible en téléchargement gratuit notamment via le site Bandcamp. Alors voilà, étant donné que c'est mentionné, on se lance maintenant sur notre prochain sujet. Quatrième tome d'une série qu'on suit depuis déjà près de 5 ans, Radisson, d'après l'autobiographie de Pierre Esprit Radisson, donc quatrième et dernier tome. Et pour nous en parler, pour nous présenter tout ça et pour revenir aussi sur cette série, eh ben on est en compagnie de l'auteur, Jean-Sébastien Bérubé. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, en fait, j'imagine, là, c'est, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est 5 ans de travail pour toi, Radisson. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça a fait quand on est arrivé, on a eu terminé les dernières couleurs, les dernières touches, la dernière case, là, que tout a été fait, bouclé, envoyé à l'éditeur? Ben, en fait, quand j'ai fini Radisson, tome 4, j'ai comme vécu une espèce de deuil, parce que, tu sais, à quelque part, comme tu disais, j'ai passé 5 ans de ma vie à temps plein à faire cette série-là, puis à créer cet univers-là. Puis, quand j'ai fini, ben là, j'ai pris des vacances. Ben, j'avais pas vraiment le choix, en fait, parce que j'avais eu, j'ai fini l'album avec un gros problème de dos, puis j'ai eu des, ben, c'est ça, de la misère après, mais là, c'est passé. Mais ouais, c'est ça, c'est comme un deuil, puis de la nostalgie, tu sais, d'avoir fini un projet que ça faisait longtemps que je m'investissais dedans. Oui, puis en fait, c'était ton premier projet, ton premier gros projet BD aussi édité, et c'est celui, en fait, j'ai presque envie de dire que t'as appris une partie du métier en développant, en travaillant sur cette série-là. Ah oui, ben j'ai acquis, c'est sûr que j'ai acquis beaucoup d'expérience, surtout au niveau du milieu de l'édition, là, que je connaissais pas du tout ce milieu-là avant, puis parce que bon, moi, avant de faire cette série-là, moi, je faisais des fanzines, là, tu sais, de la petite bande dessinée en noir et blanc, pliée, brochée, que je vendais moi-même. Puis c'est sûr qu'en ayant, tu sais, en ayant signé des contrats avec un éditeur, puis en publiant à grande échelle comme ça, puis aussi tout le processus de la médiatisation, tu sais, j'étais pas du tout familier avec ça. Non, donc ça devient un coup de pouce là-dessus, et puis en fait pour une prochaine série, justement, tu pars avec plus de connaissances là-dessus, et j'imagine qu'à travailler 5 ans en plein aussi sur une série, quand tu regardes ton dessin, ta capacité, ta rapidité peut-être aussi d'exécution, ben j'imagine que ça a dû aussi évoluer pas mal. Ah oui, ça c'est sûr que si je compare ben le tome 4 avec le tome 1, tu sais, le tome 1, ça m'a pris 2-3 fois plus de temps pour faire le tome 1 que pour faire le tome 4, puis moi, j'aime beaucoup mieux mes dessins dans le tome 4 que dans le tome 1, parce que là, le tome 1, c'était mon premier album, puis c'est sûr que, tu sais, 5 ans après, le tome 1, je le regarde plus de la même façon que quand je venais juste de le faire. Aujourd'hui, les dessins que je fais, c'est plus la même chose. Puis ça fait partie de l'expérience que j'ai acquis ben en pratiquant ce métier-là à temps plein, c'est de comment dire de peaufiner ma façon de faire, puis d'apprendre des nouvelles choses justement pour aller plus vite, puis être plus efficace, d'apprendre des nouveaux trucs. Et Jean-Sébastien, si on regarde un peu en arrière, en fait, quand tu t'étais lancé avec l'idée de faire une série BD sur Pierre Esprit Radisson, inspirée de son autobiographie, est-ce que tu avais réalisé que ça allait être un bon défi? Parce que j'imagine, et je pense qu'on s'en était déjà parlé, au niveau scénario, c'est quand même un gros travail au niveau recherche, préparation, recherche historique, dessin, etc. Donc, de se lancer sur un 5 ans, au bout du compte, comme ça, aussi. Ouais, ben... C'est sûr que quand j'ai commencé à travailler sur cette série-là, je savais pas combien de temps ça allait me prendre. Ben, je savais pas grand-chose, en fait. Je savais même pas au début, quand j'ai commencé à travailler sur Radisson tome 1, je savais même pas si j'allais être édité, là, tu sais. Fait que c'est sûr que, bon, ça m'a demandé beaucoup de recherche, parce que comme, tu sais, c'est une biographie historique, puis que tout ce que je devais, tout ce que je racontais devait être vrai, ben là, c'est sûr que j'ai dû faire énormément de recherches pour ça, pour arriver à raconter les vrais faits. Ouais, c'est sûr que moi, j'ai pris ça comme ça vient, dans le sens que je me suis dit, ben je vais faire un album à la fois, puis on verra, tu sais. Et au niveau du découpage, est-ce que déjà dès le départ on s'est dit, ok, peut-être idéalement ça se raconterait en 4 albums, parce que je sais qu'à un moment donné aussi t'avais peut-être espéré 5, parce que il y a beaucoup de choses à raconter aussi pour faire la vie de cet homme-là. Ouais. Ben c'est sûr que avec ce qui est arrivé au début, le refus de publier Radisson Tome 4, c'est sûr que moi ça m'a mis des bâtons dans les roues, parce que le scénario, au début j'avais prévu la série comme tu dis en 5 albums, même voire 6, parce que mon ambition au début, quand j'ai commencé cette série-là, mon ambition c'était de tout raconter, puis d'essayer d'aller en profondeur. Mais bon, ça, tu sais, j'ai pas réussi à faire ça parce que j'avais une contrainte qui était imposée, c'est-à-dire je devais respecter un certain nombre de pages, puis là, je devais réduire le nombre de tomes que j'avais prévu faire initialement. Ça fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, moi, j'espère pouvoir me reprendre dans un prochain projet, dans le sens de prendre plus de liberté. Ouais. Que c'est sûr que surtout le tome 4, Radisson tome 4, j'ai dû condenser, puis si on fait l'inventaire, en fait je pense dans le premier tome, Radisson 1, c'est sa capture par les Iroquois, on raconte 3 ans. Dans le deuxième, en fait, c'est la participation de Radisson à l'expédition missionnaire de Sainte-Marie de Ganen-Taha sur le bord du lac Ontario, c'est 2 ans. Dans le troisième, dans Coureur des bois, c'est 2 ans aussi, c'est son expédition dans les pays de l'Ouest. Et dans le quatrième, là on tombe sur presque 20 ans là, dans le fond, soit 1665 à 1684. Ouais, c'est ça. Puis, ben, c'est justement ça que j'avais pas prévu faire au début, puis que, bon, j'ai pas vraiment eu le choix, parce que sinon, tu sais, sinon le tome 4 serait sorti, il y aurait pas eu de tome 5, puis là, on aurait pas su la fin de l'histoire, puis la série, elle aurait pas été finie. C'est ça. Mais oui, c'est sûr que, tu sais, ça a été tout un défi au niveau scénaristique. Ça a été tout un défi pour moi d'arriver comme à rentrer comme presque 20 ans de la vie de Radisson dans un album de bande dessinée de 46 pages. C'est sûr que, tu sais, je me suis demandé comment j'allais réussir à faire ça. Puis finalement, j'ai utilisé beaucoup de la narration. Oui, puis ça devient un peu comme une suite d'épisodes avec quelques scènes clés là-dedans, mais c'est dans le fond plus des nouvelles, dans le fond, une série nouvelle d'épisodes racontés plus succinctement. Oui, c'est ça. Mais il y a comme, tu sais, j'ai comme essayé de diviser cet album-là en deux parties. Il y avait la partie où Radisson et des Groseilliers, on les voit, sont en Angleterre, puis là, ils font de la compagnie de la baie du Tisson. Ça dure, je pense, c'est comme les 13 premières pages de l'album ou quelque chose comme ça. Puis après ça, la deuxième partie de l'album qui se déroule dans le nord, puis là, c'est le combat entre les Anglais puis les Français pour avoir le contrôle du commerce des fourrures. Fait que j'ai pensé raconter cet album-là de cette façon-là, pour essayer de comment je pourrais dire ça, de planifier là tout ce que j'avais à raconter, puis à rentrer dans le nombre de pages que j'avais. Et pour remettre en contexte aussi pour les auditeurs qui sont pas au courant, il faut dire que justement il y a eu un moment l'année dernière en avril où Glénat, l'éditeur, a dit, ben regarde, on ne publiera pas le quatrième tome de Radisson, donc tu te retrouves avec un album qui était commencé, plus d'éditeurs. Les lecteurs s'y sont mis aussi, il y a eu une pétition qui a été lancée, il y a eu des réactions et finalement différentes circonstances qui ont fait que Glénat a décidé de changer sa décision et de t'amener vers un tome 4. et dernier tome, donc la situation que tu as décrit tout à l'heure. Et en même temps, j'imagine que ça doit être aussi assez satisfaisant pour un auteur dans une tourmente comme ça, de voir que les lecteurs aussi s'organisent et disent, ben nous, on la suit depuis 4 ans, cette série-là, on veut avoir notre conclusion. Ah, c'est clair que quand cet événement-là a eu lieu, moi, j'ai été très surpris, très impressionné, parce que je m'attendais pas à ce que ça provoque des réactions comme ça, mais j'ai été très touché et reconnaissant par tout ce que les lecteurs, en tout cas les gens qui ont fait ça, là, qu'est-ce que ces gens-là ont fait. Tu sais, j'y connais pas tous, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont contribué à ce que justement l'éditeur change d'idée par rapport à son refus de vouloir publier cet album-là. Puis moi, c'est ça, comme je disais, là, reconnaissant et impressionné par ça. Et donc, c'est ces éléments-là qui ont amené vers le tome 4, Radisson, Pirates de la baie du son. Donc, le dernier tome qui est centré, tu l'as dit, sur la baie du son, donc à travers les conflits et les constructions qu'on y trouve. Et parallèlement, en fait, je veux qu'on ouvre un peu aussi sur ce qui s'en vient, parce que là, c'est 5 ans de Radisson qui sont derrière toi. Il y a des nouveaux projets, et notamment, si on va faire un tour sur ton blog, berubd.blogspot.ca, t'es vraiment en mode exploratoire pour changer, pour te réinventer un peu au niveau du crayon, du dessin? Ouais, c'est sûr. Ben, en fait, comme je finissais la série de Radisson de 4 tomes, puis que bon, j'ai passé 5 ans à faire ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire après, tu sais? Puis je voulais pas faire la même chose. Ça, c'était clair dans ma tête. Que, tu sais, quand j'ai commencé à faire Radisson tome 4, c'était déjà clair dans ma tête que je voulais pas faire la même chose après, puis je voulais justement pas, tu sais, comment je pourrais dire ça, pas changer de style, mais amener mon style ailleurs, tu sais. Puis là, en ce moment même, ben j'expérimente, je fais des dessins, puis j'essaye d'autres choses, puis c'est ça que je mets sur mon blog en ce moment. Puis là, comme je suis dans la partie exploration, ben là, je sais pas qu'est-ce que le résultat final au bout de ce projet-là, je sais pas de qu'est-ce qui va avoir l'air, mais c'est sûr que ça va se préciser, là. C'est sûr que dans les prochaines semaines, prochains mois, là, ça va. Le style dans lequel je vais faire mon prochain projet qui s'en vient, ça va prendre forme, là. Et est-ce que tu te donnes des contraintes, en fait, pour dire, bon, OK, j'ai envie d'explorer tel type de visage, par exemple, tel type de trait, tel type de crayon? Comment t'orientes un peu tes explorations? Dernièrement, j'ai fait beaucoup d'essais à l'aquarelle, à l'encre de chine, au crayon plomb, au crayon feutre. J'essaye vraiment un paquet de trucs. Puis, ce que je fais, c'est que je montre mes dessins à des gens, comme en particulier Jean-Louis Tripp, qui est mon ancien prof de BD, parce que quand j'étudiais à l'université à Hull, je l'avais eu comme prof. Puis je montre mes dessins, puis des planches que je fais en ce moment, je montre ça à ces gens, à des gens comme lui, puis, tu sais, ils m'orientent un peu sur qu'est-ce que je fais mieux. Mm-hmm. Tu sais, c'est parce que, tu sais, quand on se lance dans une exploration comme ça, à un moment donné, on sait plus, parce qu'on fait plein de trucs, ben ça vient qu'on sait plus qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui l'est pas. Puis dans le fond, c'est pour ça que je montre ce que je fais à d'autres professionnels pour avoir leur avis, qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce que c'est mieux comme ça ou est-ce que c'est mieux comme ça, tu sais. Alors, si on invite les gens, en fait, s'ils veulent justement voir un peu le volet public de tes explorations, donc je rappelle, c'est berubd.blogspot.ca. Et évidemment, en fait, la conclusion de la série Radisson de Jean-Sébastien Bérubé, le tome 4, Pirates de la baie du son, qui est sorti en fin d'année dernière. Si vous n'avez pas eu l'occasion, d'ailleurs, les 3 premiers tomes existent encore. Aussi, en fait, une très belle série à découvrir. Jean-Sébastien Bérubé, nous, on se dit à la prochaine. Ben, merci beaucoup, puis c'est ça, à la prochaine. Salut bien. OK, bye. Alors voilà donc, je rappelle Jean-Sébastien Bérubé, l'auteur de la série Radisson. Nous, on prend une courte pause. À venir, Marco Duchesne et Mathieu Place. Aimez-vous les sujets suivants? Le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les animés, les séries télé, les mangas, l'internet en général, les gadgets techno, les dragons, les ninjas, les lasers, les pieuvres, les ninjas chevauchant des dragons pieuvres armés de lasers. Eh bien, réjouissez-vous! Les Geeks Contre-Attaque aiment aussi beaucoup ces sujets. Ils les aiment tellement qu'ils vous en parlent tous les dimanches de midi à 13h. Une heure de culture geek, d'actualité pertinente et de sens de l'humour questionnable seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Quoi demander de plus? Hein? On peut se demander de plus? Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le dimanche 20 janvier, 20h, au Cercle. Entrée libre, contribution volontaire. Initiée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Cet hiver, à Télé-Québec, devenez chasseur de tendance avec les bobos. Vous avez l'œil affûté, l'esprit allumé, le geste généreux. Car ne part pas à la chasse qui veut. Oh non! Oh non, non, non! Marc Labrèche et Anne Dorval sont les bobos ce soir, 20h. Tout un hiver! Ah, Télé-Québec! Ben, quel type d'université et de collège les jeunes veulent-ils? Du 25 au 27 janvier à l'Université Laval, l'Institut du Nouveau Monde présente son école d'hiver spéciale Sommet sur l'avenir de l'enseignement supérieur pour les jeunes de 15 à 35 ans de toutes les régions. Venez vous informer et vous exprimer sur ces grands enjeux en échangeant avec des dizaines de personnalités réputées comme Guy Rocher, Clément Lemelin, Omar Actouf, Valérie Vierstrat, Pierre Fortin, Madeleine Gauthier et beaucoup d'autres. Ne ratez pas cette occasion de vous exprimer sur l'enseignement supérieur. L'inscription est gratuite, mais obligatoire. Consultez inm.qc.ca. Tout juste avant 100% Dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Le 15 février prochain, CKRL souligne 40 ans de radio. Animateurs, auditeurs, amis anciens et actuels, venez célébrer avec nous l'anniversaire de CKRL à l'espace Hyperion 190 Saint-Joseph-Est. Dès 17h, une soirée retrouvaille unique où rencontres et bons souvenirs seront au rendez-vous. Service de traiteur sur place, prestations d'Antoine Graton et DJ Set de D. Procurez-vous dès maintenant vos billets au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e Avenue, le 40e anniversaire de CKRL. Un événement à ne pas manquer. La radio. Eh ben, ici, le cavalier, elle est membre du groupe Rock et Belles Oreilles. M'ont fait dire, de vous dire, qu'ils écoutent CKRL. Deux oreilles. Vous êtes à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Je vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez nous suivre via nos blogs, ben notamment l'ensemble des podcasts sont disponibles sur lavieenbd.wordpress.com et vous avez également mon blog BD personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Et là-dessus, on a le plaisir maintenant d'accueillir parmi nous Marco Duchesne. Bonjour. Hey, salut. Bonne année. Merci, toi aussi. Et Marco, cette semaine, en fait, tu vas être avec nous également la semaine prochaine, je le mentionne, puisqu'on se fait un spécial coup de cœur. Il va avoir toi, il va avoir Stéphane Gravel aussi, qui est collaborateur ici à l'émission, et des amoureux de la BD, Patrick Marleau et Pierre Blais, qui vont être avec nous. On va faire nos coups de cœur de l'année 2012. Mais pour cette année, pour cette chronique-ci, on est en plein 2013. Ben oui. Je ne vais pas sortir récente, parce qu'on est un peu en mode rattrapage, j'ai pas une nouveauté tant que ça. Écoute, en librairie, il se passe pas grand-chose non plus. Quelques nouveautés, des séries ici et là, des romans graphiques un peu échappés de la fin de l'année 2012 pour l'Europe, qui nous arrivent ici. Bref, il faut savoir chercher, il faut être patient, mais... Il y a des petites perles. Ben, j'ai des choses qui m'ont accroché et je te lance vers un premier, Marco. Dossier de la cellule Prométhée, tome 1, oui. L'escouade 126 de James et Patrice Larsenet. Oui. Alors, ça arrive chez Très Étrange, un album de format régulier. Je dis de format régulier parce que, à prime abord, Un des auteurs, le dessinateur, James, qui s'appelle, c'est sûrement un surnom. James, eh ben, moi, je l'avais suivi, j'avais suivi ses travaux dans des petites revues, des petits fanzines européens, dans des petites BD, dans des éditeurs obscurs. J'aimais beaucoup son style. Il est apparu du côté plus commercial chez Dargo dans une série humoristique qui s'appelait « Dans mon open space », qui était de l'humour... de la BD humoristique sur le travail. Le style de James est tout simplement animalier, tout comme Trondheim, mais dans un style un peu plus clair, un peu plus limpide, un peu plus... je dirais ça, c'est clair. Alors, j'avais hâte de le voir dans quelque chose de plus dynamique, un peu plus aventureux. Et c'est ce que tu retrouves dans, voilà. Cellule de Prométhée. Alors, une série qui commence, ça s'appelle La Cellule de Cellule Prométhée. Patrice Larsenet est au scénario et je crois que c'est son frère, c'est à vérifier, mais je pense que c'est le frère de Manu. Alors, c'est très étrange. Ce premier titre s'appelle L'Escouade 126. Qu'est-ce que la cellule Prométhée? Cellule Prométhée, c'est une cellule qui, en 1930, a été créée en France pour les cas mystérieux, les enquêtes un peu... À la X-Files. À la X-Files. On est en France, on est au début du 20e siècle. Et qu'est-ce que l'escouade 126? Eh bien, des soldats de cette escouade-là, en France, après la Première Guerre mondiale, meurent tragiquement. Et on découvre qu'ils sont atteints d'un mal mystérieux, celui du cannibalisme. Oh! Et la cellule Prométhée est en fait dirigée par un prêtre, aidé d'un docteur en psychologie, un psychologue, un analyste qui réussit à se connecter au cerveau des gens et arrive à voir le souvenir, un peu à la Spock. Et un troisième larron qui est plutôt le fier à bras. Alors, ce joyeux trio enquête dans les méandres de l'ésotérisme, du mystérieux et de l'horreur, parce qu'ici, on découvre que ces soldats sont atteints de cannibalisme et ont été manipulés par l'armée dans une espèce de... Leur officier supérieur les a entraînés, ces espèces de soldats ratés, c'était tous des déserteurs ou presque, ont été entraînés dans une espèce d'escouade secrète où un rite africain a fait en sorte qu'ils sont devenus dépendants de la chair humaine. Alors, ils se nourrissaient du cœur de leur ennemi pour être... Alors, ça a servi l'armée pendant qu'il y avait la guerre. Alors, ça donne un peu le ton du mystère, voilà, qu'on trouve là-dedans. Et tout ça avec... tu parlais d'animalier tout à l'heure. Donc ouais, ben l'ambiance... en fait, on oublie que les personnages sont des oiseaux, des chiens, des tigres, des ours, des gorilles. On l'oublie. Et on tombe en plein X-Files à la Tardy avec ce pari un peu dans les catacombes, ce pari dans des appartements miteux. C'est toujours intéressant, l'idée, justement, d'amener ça au début du 20e siècle, donc d'aller chercher une ambiance qui est celle d'une autre époque, d'une autre ère. Voilà. Ça fonctionne. Et tout ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on passe un peu sous cette horreur-là de l'horreur cannibale, de l'horreur des corps et tout. On les voit presque pas. Mais on s'attarde sur les discours sur l'horreur de la guerre, sur la manipulation des gouvernements, sur les pauvres soldats et qu'est-ce que la guerre en général. Un premier tome réussi. Alors ça, c'est Dossier de la cellule Prométhée, tome 1, l'escouade 126 de James et Patrice Larsenet chez Très Étrange. Autre titre, album pratiquement muet en fait, Tales of Sand. Ouais, écoute, j'avais lu ça l'année passée... en anglais. C'était sorti, ça a gagné plein de prix et tout juste sorti, les éditions Paquet nous envoient la traduction française de ce petit album un peu à part. J'explique. Jim Henson, Muppet Show, Sesame Street, Dark Crystal, Labyrinthe. Mais tout ce qui est avec des marionnettes et qui est bon, c'est lui. Voilà. Alors, Jim Henson, au début de sa carrière, a des projets plein la tête. Te rends-tu compte, toi? Lui puis son associé qui s'appelle Jeremy Joule ont des projets de films et des scénarios et ils commencent The Muppet Show et Sesame Street et là le succès décolle, ils ont plus le temps. Donc, à sa mort, les productions Jim Henson, qui continuent à faire des trucs, hein. Mm-hmm. On voit souvent la série de science-fiction Farscape, entre autres, est produite par les studios oui, Henson. Puis ils font revivre aussi les mopettes. Ouais. Alors, l'associé trouve ce scénario et se dit, il faudrait en faire quelque chose. Et ils ont confié le scénario à un BDiste, Ramon K. Perez, qu'il s'appelle, qui a fait des trucs côté américain. Alors, il confie ce scénario à ce dessinateur-là pour nous amener dans l'univers Henson. Ce qui est intéressant, c'est l'introduction pour se mettre dans le bain. Ça devait être un film, ça devait servir l'imagination d'Henson, ça devait être un matériau pour son imaginaire, pour donner un truc à la Henson. Mm-hmm. Évidemment, on l'aura pas dans la BD, ça. Mais je pense que le dessinateur s'en donne à cœur joie et il nous fait traverser grâce à son génie de raconter, de narrer l'histoire qui est toute simple, comme tu l'as dit, il n'y a presque pas de texte. Un type qui court à travers, arrive à une ville frontalière des États-Unis, une espèce de town de champignons, les villes champignons aux États-Unis, là, avec un saloon, et le shérif, tout content, lui remet une carte, il dit, vous avez 10 minutes d'avance, et l'envoie se promener, et là, on le voit courir. On voit courir le personnage principal qu'on essaie de tuer, qu'on essaie de capturer, qu'on essaie de manipuler, et là, il court, de temps en temps, il rencontre des drôles de personnages, des drôles de situations, et continue de courir, et là, affronte celui qui veut à sa mort, veut le capturer. Bref, on arrive essoufflé, mais c'est un petit bijou de narration BD-esque, BD-istique, et tout ça, si on échappe à ce que Jim Henson voulait faire, on est rattrapé par la magie du dessinateur qui est Perez. Oui, puis en même temps, je trouve ça intéressant aussi parce que ça nous amène une autre optique par rapport au BD où il faut se rappeler que quand un dessinateur reçoit le scénario, mais dans le fond, il devient un peu le réalisateur de cette BD-là. Voilà. Alors, Perez a réalisé le film. Je pense qu'il réussit à intégrer des notions de cinéma, mais à les intégrer dans le langage de la BD, codes de la BD. Et c'est une petite réussite. Mais je le conseille pas à tout le monde qui, tu sais, genre, je pense qu'il y aurait des gens qui seraient un peu déçus. Ça vaut le détour de jeter un œil, et si ça vous plaît de courir, comme j'ai couru pour faire la chronique, je pense que ça peut être intéressant. Alors ça, c'est Tale of Sand de Jim Henson. Tale of Sands. Oui. De Ramon K. Perez au dessin, aux éditions Paquet. Et en terminant, un petit pour les maniaques de comics américains, une belle étude de Steve Ditko, le co-créateur de Spider-Man. Stan Lee faisait le scénario, Steve Ditko a créé les dessins. L'artiste sans masque de Tristan Lapoussière aux éditions Mouton Électrique. Pour ceux qui veulent, c'est pas juste le créateur de Spider-Man, c'est ça qui est resté, mais il a fait plein d'autres choses, et c'est un petit volume, vraiment, là, je vous conseille pour les amateurs de BD américaine. Marco Duchesne, on se dit à la semaine prochaine. Oui, j'ai hâte d'y être. Voilà, moi aussi. Alors, on part maintenant en musique. C'était donc le commentaire BD de Marco Duchesne. On écoute un dernier extrait de l'album Nightlock. We'll be right back. Et voilà donc album de Nightlock. Si vous voulez l'intégrale, c'est sur bandcamp.com en téléchargement gratuit. Et ben là-dessus, nous, on accueille notre collaborateur Mathieu Place. Bonjour. Salut tout le monde. Salut Raymond. Et je continue à tourner des bonnes années. Oui, bonne année. Bonne année à tous les auditeurs. Et Mathieu, ben en fait, évidemment, tu poursuis tes explorations de l'univers BDesque indépendant anglophone. Et ce mois-ci, tu t'arrêtes sur un auteur, Edward Gorey. Oui, je parle encore un des grands classiques là, de la littérature BDesque américaine. En fait, Edward Gorey, c'est un des grands pionniers là, de la BD américaine. C'est sûr qu'il est allé aussi du côté de l'animation et puis de l'illustration, mais c'est un des grands géants de la bande dessinée américaine. Bon, il a influencé toutes sortes de personnes. Tim Burton, c'est un des principaux. Là, bon, tout le monde connaît les films de Tim Burton. Alors, je dirais que le lien entre les deux, ce serait de marier tout ce qui est morbide et innocence, enfance, conte, etc. Alors, dans les films de Tim Burton, on le sait tous, là, il y a une espèce de mariage entre tout ce qui est morbide, gothique, sombre, etc. Oh oui. Mais il y a un côté très éclairé avec l'enfance qui est mis de l'avant et puis une espèce d'innocence là, qui est mis en lumière. Alors, avec Edward Gorey, c'est à peu près le même sorte d'univers. Alors, c'est pour ça que souvent les gens disent que c'est un des pères du gothique là, dans la bande dessinée. Mais bon, lui, il est pas d'accord, là, évidemment. Là, les auteurs aiment pas ça, se faire estampiller. Estampiller une affiche d'en face. Là, mais inversement, si oui. On le prend d'une autre façon, on pourrait dire, ben, si on aime ce type d'esthétique-là, que l'auteur ou non s'identifie là-dessus, nous, ça nous donne quand même une porte d'entrée aussi. Oui, exactement. Mm-hmm. Pour décrire le personnage, je vais vous le décrire en quelques mots parce que c'est vraiment un personnage assez fascinant. Là, même au niveau physique, c'est un grand monsieur, là, quand même très grand, avec une barbe blanche là, pour à peu près la moitié de sa vie, chauve, lunettes. Il portait toujours un très long manteau de fourrure là, jusqu'aux pieds, là, vraiment un très, très grand manteau de fourrure brun là, pour la plupart du temps, et des espadrilles. Alors, c'était un grand amoureux de ce look-là. Alors, ce look-là, c'est devenu assez typique de ce personnage-là, et il a vécu la moitié de sa vie en Nouvelle-Angleterre dans un village qui s'appelle Yarmouth et c'est à Cape Cod. Alors c'est vraiment un village où il a vécu. C'était un des personnages typiques de l'endroit. Il participait à tout ce qui était communautaire là, à l'époque. Mais en même temps, c'est ça, c'est un personnage qui avait dans sa maison. Bon, là maintenant c'est rendu un musée, sa maison. C'est possible de la visiter. Et quand on visite sa maison, on se rend compte que vraiment là, il y avait des goûts douteux, entre guillemets, là, question décoration. Alors, on a des cadres avec des enfants bon morts, tout simplement. Alors, c'est des photos d'enfants. Et après ça, bien sûr qu'il n'est pas gothique. Ben, c'est ça. Là, il y a des photos de momies, des photos de monstres, là, tout un assortiment de monstres plus étranges les uns que les autres. Alors, c'est vraiment la décoration de sa maison. Des livres partout. C'est vraiment un personnage assez bizarre, mais c'est vraiment ses goûts qui sont peut-être morbides, mais le personnage a l'air sympathique quand même. Alors, pour ce qui est de son œuvre en tant que telle, il a écrit beaucoup, beaucoup de petits livres. C'est vraiment des petits livres. Alors, c'est pas vraiment des livres là, qui sont de longue haleine. On n'a pas de grandes épopées. C'est vraiment des petits objets et des petits livres. Et l'objet est très important pour lui. Alors, il va faire toutes sortes de livres de différentes tailles. Alors, il y en a qui... il y a des livres qui sont pas plus gros qu'une boîte d'allumettes. Il y a des livres qui vont être plus volumineux, mais très grands, très longs, très large. Bon, il va jouer beaucoup avec l'objet lui-même. Mm-hmm. Et à l'intérieur de ces livres-là, eh bien, c'est des séquences d'images avec du texte. Et les images, c'est souvent une représentation de l'époque victorienne ou édouardienne là, anglaise. Là. Alors, on parle du 19e siècle. Alors, les longues robes pour les dames, les manteaux noirs très sombres pour les hommes. Et c'est vraiment cet univers-là qui est retrouvé tout le temps dans ces bandes dessinées. Et les histoires, en fait... Bon, je dirais que ça ressemble beaucoup à ce que Lewis Carroll pouvait faire. Alors, c'est beaucoup du non-sens. Oui, là, en alors, fait, de l'absurde, mais... C'est ça. C'est de l'absurde, c'est des histoires qu'on peut suivre. Alors, tu sais, c'est vraiment pas... c'est pas abstrait en tant que tel, mais c'est vraiment des histoires où, bon, par exemple, on peut avoir, je sais pas, un buisson menaçant qui se promène d'une case à l'autre et qui menace les enfants qui sont en train de jouer. Mais on voit pas de... il y a pas de scène d'attaque ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste des menaces, on dirait. Il y a beaucoup d'espace qui est laissé pour le lecteur. Et puis ça, c'est vraiment le grand talent de Edward Gorey, c'est qu'il va toujours juste suggérer une horreur qui s'en vient. Alors, c'est vraiment juste avant l'horreur, mais on voit jamais l'horreur en tant que telle. Alors, tu sais, c'est vraiment au lecteur de penser qu'est-ce qui va arriver. Et souvent, en fait, c'est justement l'anticipation aussi qui fait l'horreur. Et c'est ce qui se perd, malheureusement, d'ailleurs, au niveau cinématographique ou autre, où on a trop tendance à vouloir montrer pour dégoûter, mais l'horreur, c'est pas de dégoûter, c'est d'effrayer. C'est de stimuler l'imaginaire, hein, parce que l'imaginaire est toujours plus effrayant que ce que on peut nous présenter. Oui, c'est ça, effectivement. C'est exactement le procédé là, qui est utilisé ici, parce que justement, chaque lecteur imagine sa propre horreur personnalisée à ses propres peurs, et puis ça devient assez étrange. Mais il y a toujours une espèce d'humour au travers de ça, parce que les dessins sont beaux, c'est des beaux dessins, très détaillés, mais c'est pas réaliste. Alors, c'est vraiment des bonhommes, ça reste des bonhommes. Alors, on reste quand même dans un univers qui est pas sérieux, entre guillemets, et qui nous permet de voyager au travers de ces horreurs-là sans qu'on s'alourdisse là, de toutes les conséquences qui peuvent venir avec ces crimes-là perpétrés par des buissons ou des chaussures ou ce genre de choses-là. Et Mathieu Place, si on y va justement peut-être avec deux exemples précis, juste pour étayer un peu plus, une œuvre, par exemple, Gashly Crumb Tinies. Oui, alors je vais vous parler de deux œuvres qui sont quand même les plus connus dans certains égards. Je dirais que Gashly Crumb Tinies, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu sans savoir ce que c'était. En fait, c'est une bande dessinée qui a servi à faire des affiches et des tasses, toutes sortes de produits dérivés, mais à la base, c'est un livre. C'est un abécédaire. Alors, dans le fond, c'est une liste des lettres de l'alphabet, et à chaque lettre de l'alphabet, on rencontre un personnage qui se trouve à être un enfant, et cet enfant là arrive bientôt à sa mort. Alors voilà. Alors par exemple à Armand, on a Armand, et puis je me souviens plus des noms en tant que tel, mais à chacun des lettres, eh bien il y a un personnage, son nom commence par la lettre en question, et il est proche de sa mort. Alors on a un personnage qui est en train de manger un repas, et puis dans la description du repas, eh bien on apprend que c'est empoisonné. Alors après ça, on a un autre personnage là qui meurt d'ennui dans un grand manoir. Alors on le voit dans la fenêtre là, qui est en train de regarder au travers de la fenêtre. Avec une petite indication qui nous fait comprendre la situation dans le fond et la gravité de la situation. C'est ça, exactement. À chaque fois on a une petite description, c'est toujours très succinct. Alors c'est vraiment une image, une description, et puis on passe tout l'alphabet comme ça là, en 26 cases qui se déploient là, sur tout un livre. Et c'est à la fois charmant, parce que tu sais, c'est vraiment des dessins charmants, des personnages charmants, etc. Mais en même temps, en lisant, on se rend compte de la gravité de la situation. Puis là, évidemment, il y a une espèce de jeu là, qui passe d'un à l'autre, là, du charmant des personnages à leur sort là, qui est en train de se dévoiler là, à nous. Et puis sur la page couverture, vous avez un Grim Reaper, là, une faucheuse là, qui est entourée d'enfants. Alors ça vous donne une idée du ton de l'histoire en tant que telle. C'est de l'humour noir, on pourrait dire? Oui, c'est ça. Je dirais que c'est de l'humour noir. Des fois, c'est décrit comme du non-sens, de la littérature absurde, gothique. C'est souvent utilisé. Je dirais de l'humour noir, oui, mais c'est jamais... ça passe jamais aux actes, ou très très peu souvent. Alors on reste dans le non-sens, parce que c'est l'imagination qui nous fait imaginer l'horreur en tant que telle. Et puis c'est tout souvent une horreur un peu absurde là, comme je disais tout à l'heure, des objets qui s'attaquent aux humains Et est-ce que c'est un peu dans la même lignée avec un autre exemple, si on reste dans ces œuvres aussi assez connues, de Curious Sofa? Curious Sofa, c'est à peu près le même procédé. Alors on parle de cases et de textes qui jouent avec les sous-entendus, c'est-à-dire que on a une case qui nous présente des personnages et un texte qui nous fait sous-entendre l'action qui est à venir. Et on s'imagine une bande dessinée, alors vous avez une multitude de cases au travers de ça. Mais là, le sujet, au lieu d'être de l'horreur ou du morbide, eh bien, c'est le sexe, tout simplement. Alors, c'est des personnages qui se rencontrent. Imaginez Great Gatsby. Alors, c'est un grand party au début du siècle. Et les personnages sont là. Tout le monde est plus riche les uns que les autres. Et les personnages se rencontrent et puis bon, on apprend que deux personnages vont aller dans une autre pièce pour faire des choses qu'ils n'ont jamais faites. Et puis là, après ça, on passe à la case suivante. Ils sont déjà sortis de la pièce, mais on sait pas du tout ce qui s'est passé dans la pièce. Ou encore, je sais pas, il y a un des personnages qui va réveiller un autre personnage qui est endormi de la manière la plus plaisante qu'il puisse imaginer. Bon, tu sais, vous voyez ce genre de phrases-là pour nous juste nous suggérer ce qui se passe entre les cases, mais on voit jamais rien. Alors, c'est vraiment le même procédé, encore une fois, les sous-entendus, jouer avec l'imagination du lecteur, mais là, le thème, c'est vraiment la sexualité. Et puis, Edward Gorey trouvait ça très drôle parce que, bon, ces histoires sont lues par pas mal de monde, et puis, bon, il y avait des enfants qui venaient le voir, puis, ah oui, j'aime vraiment le Curious Sofa, c'est vraiment fantastique, c'est ça. Bon, alors, on suppose qu'ils n'ont pas tout compris, mais en tout cas... Ils avaient compris suffisamment. C'est ça, avec les adultes qui ont un cerveau un peu plus croche, là, on voit qu'il y a quelque chose qui sous-tend là, tout ce texte-là. Et Mathieu Place, si on connaît pas Edward Gorey, il faut regarder si on apprécie la BD et ce type de thématique-là, ce type d'univers-là, ben ça reste un incontournable. Oui, ça reste un incontournable. Et si vous aimez l'illustration, et puis ben, je dirais même la littérature en tant que telle, parce que l'homme a gagné quand même des prix littéraires, c'est un des chouchou là du milieu de l'édition américaine et new-yorkais où il a fait ses premières armes. Il a vécu la moitié de sa vie à New York, un grand passionné de ballet. Il allait à tous les ballets de New York et c'est là qu'il a fait son nom là, en faisant ces bandes dessinées-là. Il a terminé sa vie justement à Yarmouth. Alors si vous voulez aller visiter sa maison, c'est un beau petit détour là, si vous allez dans le coin de Cape Cod, et le village est typique Nouvelle-Angleterre, très joli. Alors à découvrir, allez sur n'importe vos sites préférés ou dans votre librairie préférée pour trouver des compilations ou des bandes dessinées. Et les deux titres qu'on a mentionnés, dit Gashly Crumb Tinies et The Curious Sofa. Mathieu Place, nous on se dit au mois prochain. Au mois prochain, à bientôt. Merci. Voilà donc, regard sur la BD indépendante américaine avec Mathieu Place. Et nous, c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine. On se retrouvera donc la semaine prochaine. Et dans l'entrefilet, entre les deux en fait, tout le moins, je vous mentionne aussi match de la Ligue québécoise d'impro BD. Ce dimanche, dès 20h, au Cercle, c'est Entrée libre. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine. Passez une excellente fin de semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.